kozonga isusu teo motemele mi na makambo na yo ihe kende na baye na na baye oh. Too late darling, I don't love you no more. Too late sweetie, go away. C'est trop tard mon amour, je ne veux plus de toi. C'est trop tard mon chéri, va-t'en, je ne t'aime plus. Tambule qui motema, na lingili susute. Tambule qui ma baso, kende na yo na boyo. Ima ye ye o, ima ye ye o. Mokili makaramba elelo na tukinga mwana bato. Ima ye ye o, ima ye. Chanteau d'Isaïe.